Chapitre 16e. Retrouvé. Clara Talboys retourna dans le Dorsetshire pour dire à son père que son fils unique était parti pour l'Australie le 9 septembre et que très probablement il était encore vivant et qu'il reviendrait implorer le pardon de son père de la seule faute réelle qu'il eût commise en contractant ce mariage qui avait exercé une si terrible influence sur sa jeunesse. M. Harcourt Talboys ne sut plus quel parti prendre. Junius Brutus ne s'était jamais trouvé dans une position pareille, et M. Talboys, ne voyant qu'un moyen de sortir d'embarras en imitant son modèle, fut forcé d'être naturel une fois dans sa vie et d'avouer que le sort de son fils l'avait vivement inquiété depuis le jour de sa conversation avec Robert Audley. Il consentit à ouvrir ses bras à l'enfant prodigue quand il rentrerait en Angleterre. Mais comment savoir l'époque de son retour et se mettre en communication avec lui? C'était là la question. Robert se rappelait l'annonce qu'il avait faite insérer dans les journaux de Melbourne et de Sydney. Si George était débarqué vivant dans l'une de ces deux villes, comment se faisait-il qu'il n'eût pas eu connaissance de cette annonce? Se serait-il montré indifférent pour les inquiétudes de son ami ou bien n'aurait-il pas lu les journaux? Comme il voyageait sous un faux nom, les passagers et le capitaine du navire n'avaient pu constater son identité avec la personne dont il était question dans l'annonce. Quel parti prendre? Fallait-il attendre que George, fatigué de son exil, revînt vers ceux qu'il aimait, ou bien faudrait-il adopter quelques mesures pour hâter son retour? Robert était en défaut. Peut-être qu'au milieu de l'indicible soulagement d'esprit qu'il avait éprouvé en apprenant que son ami n'était pas mort, il n'avait pas la force de songer à autre chose qu'à cette conversation providentielle. Dans cette situation d'esprit, il partit pour faire une visite à M. Talboys, qui avait lâché la bride à ses bons sentiments, au point d'inviter l'ami de son fils à venir passer quelques jours dans sa maison carrée et en briques rouges. M. Talboys ne vit que deux choses dans l'histoire de George, le bonheur qu'il éprouvait à savoir son fils sain et sauf, et le regret de n'avoir pas été lui-même le mari de Milady pour se procurer le plaisir de faire un exemple de sa signalée femme. « Ce n'est pas à moi qu'il appartient de vous blâmer, M. Audley, lui dit-il. Pour avoir soustrait cette coupable à la justice et contrevenu ainsi aux lois de votre pays. Je veux vous observer seulement que si cette femme m'était tombée entre les mains, elle aurait été traitée différemment. » C'était au milieu d'avril que Robert se retrouvait de nouveau sous ses pins, où ses pensées s'étaient égarées si souvent depuis sa première rencontre avec Clara Talboys. Il y avait maintenant dans les haies des primes vertes et des violettes, et les ruisseaux qui, lors de sa première visite, étaient durs et glacés comme le cœur de M. Harcourt Talboys, avaient dégelé, ainsi que le cœur de ce personnage, à la chaleur du soleil d'avril et courait capricieusement au milieu des buissons épineux. On donna à Robert une chambre d'un style sévère et un cabinet de toilette qui n'avait rien d'égayant, et tous les matins il s'éveilla sur un matelas ressort métallique. Ce matelas éveillait toujours en lui l'idée qu'il dormait sur quelque instrument de musique. Le soleil, en pénétrant à travers les persiennes, faisait briller les deux urnes placées au pied de son lit et leur donnait quelque ressemblance avec les lampes en cuivre de la période romaine. Une visite à M. Harcourt Talboys était plutôt un retour vers l'enfance et les années de pension qu'un moyen de savourer la vie en sybarite. On trouvait dans la maison de Talboys ses fenêtres sans rideaux, ses descentes de lit, ses bruits de cloche le matin et ses prières en commun, qui sentent par trop les institutions privées, où les fils de bonne maison se préparent à l'armée et à la marine. Mais, lors même que la maison carrée et en briques rouges eût été le palais d'Armide, et les serviteurs qui la peuplaient une légion de houris, Robert n'eût pas été plus content de l'habiter. Il s'éveilla au son d'une cloche matinale et fit sa toilette au premier rayon du soleil qui brille sans vous égayer et vous font frissonner sans vous réchauffer. Il rivalisa de courage avec M. Harcourt Talboys en se plongeant dans l'eau froide, et quand il descendit pour faire, avant déjeuner, une promenade sous les pins, dans la plantation touffue, il avait une figure violette comme celle du maître de la maison. Une troisième personne assistait généralement à cette promenade, et cette troisième personne était Clara Talboys, qui marchait à côté de son père, plus belle que le matin, sous son large chapeau de paille à longs rubans flottants. M. Audley aurait été plus fier d'attacher à sa boutonnière un bout de ses rubans que n'importe quelle décoration. On parlait souvent de George dans ses promenades du matin, et Robert Audley prenait carrément place à la longue table du déjeuner, sans se rappeler la matinée, où il s'était assis pour la première fois dans cette salle et avait détesté Clara Talboys pour la froideur avec laquelle elle avait écouté l'histoire de son frère. Il savait à quoi s'en tenir maintenant. Il savait qu'elle était aussi bonne que belle. Mais avait-elle découvert combien elle était aimée de l'ami de son frère? Robert se demandait parfois s'il ne s'était pas déjà trahi, si l'influence magique qu'elle avait sur lui ne s'était pas révélée par quelque regard imprudent, par le tremblement de sa voix, qui n'était plus la même quand il s'adressait à elle. La vie ennuyeuse qu'on menait à la maison carrée était égayée de temps en temps par un dîner auquel assistaient quelques campagnards chargés de se supporter mutuellement et par des visites matinales qui faisaient irruption dans le salon au grand désespoir de M. Audley. Le jeune avocat se montrait surtout malveillant pour les jeunes gens au teint frais et coloré qui accompagnaient, dans ces occasions, leur mère ou leur sœur. Évidemment, il était impossible que ces jeunes gens puissent voir les beaux yeux bruns de Clara sans devenir amoureux d'elle. Et la conséquence en était que Robert était furieux contre tous ses ribauds. Il était jaloux de tout ce qui approchait sa bien-aimée. Il était jaloux d'un vieux fat de 48 ans, d'un baronnet dont les favoris tiraient sur le rouge, des vieilles femmes du voisinage que Clara Talboys visitait et soignait, et des fleurs de sa serre auxquelles elle consacrait son temps au lieu de s'occuper de lui. Tout d'abord, il y avait eu entre eux beaucoup de cérémonies, mais peu à peu, ils étaient devenus familiers et amis en causant des aventures de George. L'intimité était venue ensuite, et au bout de 3 semaines, Miss Talboys rendait Robert heureux en lui reprochant d'avoir mené si longtemps une vie inutile et d'avoir négligé les occasions de montrer ses talents. Quel bonheur d'être sermonné par la femme qu'il aimait. Quel bonheur de pouvoir s'humilier et se déprécier devant elle. Comme l'occasion était belle pour lui donner à comprendre que s'il avait un but unique à poursuivre, il eût cherché à être autre chose qu'un flâneur et n'eût pas reculé devant les obstacles pour obéir à la voix qui lui disait de marcher. Aussi, il en profitait largement et terminait d'habitude ses hypothèses en disant qu'il allait renoncer probablement à son genre de vie d'autrefois et commencer une nouvelle existence. « Croyez-vous donc, disait-il, que je lirai des romans français, que je fumerai du tabac turc jusqu'à 70 ans? Croyez-vous que le jour n'arrivera pas où ma pipe m'ennuiera ainsi que les romans français ? Et où la vie me paraîtra si monotone que je ne serais pas fâché d'y renoncer de manière ou d'autre. » Je constate avec peine que, pendant que le jeune avocat se permettait ces lamentations hypocrites, il avait déjà vendu en esprit tout son mobilier de garçon, y compris la collection complète de Michel Lévy et une demi-douzaine de pipes montées en argent, pensionné Mrs. Maloney, et dépensé 2 ou 3 000 livres à faire l'acquisition d'un coin de terre verdoyant où se cachait une maisonnette toute tapissée à l'extérieur de plantes grimpantes et coquettement penchée sur le bord d'un lac. Il va sans dire que Clara Talboys ne comprenait pas la portée de toutes ces lamentations mélancoliques. Elle recommanda à M. Audley de lire beaucoup, de prendre sa profession au sérieux et de recommencer la vie sur un autre pied. Elle n'était peut-être pas très agréable, l'existence qu'elle proposait à Robert. Travailler pour être utile à ses semblables et conquérir une réputation n'était pas du goût du jeune avocat, et il faisait la grimace à cette perspective désolante. « Je consentirai bien à ce qu'elle me propose, se disait-il, mais il faudrait une récompense à mon travail. Si elle voulait partager mon sort et m'aider à supporter la fatigue de la lutte, rien de mieux. Mais si, pendant que je travaille, elle allait épouser quelque noble campagnard. » Avec un caractère irrésolu comme le sien, il est probable que M. Audley eût gardé son secret, effrayé de parler et de briser le charme de cette incertitude qui n'était pas l'espérance, mais qui était encore plus rarement du désespoir si, dans un moment d'oubli, la vérité ne lui eut échappé. Il était depuis 5 semaines à Grange Heath, et il sentait que les convenances lui défendaient d'y rester plus longtemps. Il fit donc ses préparatifs et son porte-manteau, et un beau matin du mois de mai, il annonça son départ. M. Talboys n'était pas homme à se lamenter en termes passionnés sur le départ d'un convive. Mais il exprima ses regrets avec une froide cordialité qui, chez lui, équivalait aux plus chaudes protestations d'amitié. « Nous avons très bien vécu ensemble, M. Audley, » lui dit-il. « Vous avez bien voulu trouver de votre goût notre existence calme et réglée. Et vous vous êtes même conformé aux usages de la maison avec une complaisance que je regarde comme un compliment à mon adresse. » Robert s'inclina. Il remerciait le hasard qui l'avait toujours réveillé à temps le matin et empêché d'arriver en retard au luncheon de M. Talboys. « J'espère donc, puisque nous nous entendons si bien, » reprit M. Talboys, « que vous voudrez bien nous honorer de vos visites toutes les fois que vous en sentirez le désir. Le gibier abonde dans mes propriétés et mes fermiers seront pleins d'égards pour vous s'il vous plaît d'apporter un fusil et de chasser. » Robert accepta avec empressement cette aimable invitation. Il déclara qu'il n'aimait rien tant que la chasse et qu'il serait très heureux de profiter des avantages qu'on lui offrait avec tant d'obligeance. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil vers Clara en parlant de la sorte. Les paupières des beaux yeux bruns interceptèrent un instant leur regard, et une légère rougeur illumina la charmante figure. Cette journée était la dernière que le jeune avocat passait dans l'Élysée, et bien des heures ennuyeuses devaient s'écouler avant que le mois de septembre lui fournît une excuse pour revenir dans le Dorsetshire. Pendant cette longue absence, les jeunes nobles campagnards ou les vieux fades de 48 ans pourraient user de leurs privilèges de voisins à son désavantage. Il n'était donc pas étonnant qu'il fût soucieux par cette belle matinée et que sa compagnie fût si peu agréable pour Mr. Alboys. Mais le soir, après dîner, quand le soleil baissa à l'horizon et que Mr. Harcourt Alboys s'enferma dans son cabinet pour régler ses comptes avec son homme d'affaires et un des fermiers, M. Audley devint un peu plus aimable. Il se plaça à côté de Clara dans l'embrasure d'une des grandes fenêtres du salon et regarda les ombres du soir qui grandissaient à mesure que les derniers rayons du soleil disparaissaient au couchant. Il était heureux de se trouver en tête-à-tête avec elle, bien que sa joie fût troublée par l'ombre du train express qui allait l'emporter à Londres le lendemain. Il ne pouvait s'empêcher d'être heureux en sa présence, d'oublier le passé et de ne pas se préoccuper de l'avenir. Ils parlèrent de ce frère disparu qui était toujours leur trait d'union, et Clara fut bien triste ce soir-là. Comment pouvait-elle être autrement en se rappelant que si George vivait, ce dont elle n'était pas sûre, il errait dans le monde, loin de ceux qu'il aimait, et portait partout avec lui le souvenir de sa vie flétrie. « Je ne comprends pas, dit-elle, comment papa peut se résigner ainsi à l'absence de mon pauvre frère, car il l'est, monsieur Audley. Vous avez même dû vous en apercevoir. Ah, si j'étais homme, j'irais en Australie, je le trouverais, et je le ramènerais ici. Si toutefois il est encore de ce monde, ajouta-t-elle à voix basse. Elle détourna la tête et regarda le ciel qui s'assombrissait. Robert plaça sa main sur le bras de la jeune fille. Cette main tremblait malgré lui, et sa voix tremblait aussi quand il parla. « Faut-il que j'aille à la recherche de votre frère ? » demanda-t-il. « Vous ? » s'écria-t-elle en le regardant les yeux pleins de larmes. « Vous, monsieur Audley ? Croyez-vous donc que je pourrais vous demander un pareil sacrifice pour moi ou pour ceux que j'aime ? Et pensez-vous, Clara, qu'un sacrifice me paraîtrait trop pénible s'il était fait pour vous ? Pensez-vous que je trouverais trop long n'importe quel voyage si je savais que vous m'accueilleriez au retour avec des remerciements pour vous avoir servi fidèlement ? J'irai d'un bout de l'Australie à l'autre pour chercher votre frère, si vous le désirez, Clara, et je ne reviendrai qu'après l'avoir trouvé. Je vous laisse le soin de choisir la récompense de mes peines. » Sa tête était courbée, et il resta quelques instants sans rien dire. « Vous avez bon cœur, monsieur Audley, dit-elle enfin, et je sens si bien tout le prix de votre offre que je ne trouve pas de remerciements à vous adresser. Mais ce dont vous parlez ne peut se faire. En vertu de quel droit vous imposerai-je un tel sacrifice ? En vertu du droit qui me fait pour toujours votre esclave, que vous le vouliez ou non, du droit que vous donne sur moi l'amour que j'ai pour vous, Clara, s'écria M. Audley, se jetant à genoux avec beaucoup de maladresse, il faut l'avouer, et s'emparant d'une petite main qu'il couvrit de baisers. Je vous aime, Clara, je vous aime. Vous pouvez appeler votre père et me faire sortir de cette maison si vous voulez, mais je vous aimerai tout de même et toujours, que cela vous plaise ou non. » La petite main s'éloigna de la sienne, mais pas brusquement, et elle s'appuya un instant toute tremblante sur les cheveux noirs de Robert. « Clara, Clara, murmura-t-il d'une voix suppliante, faut-il que j'aille en Australie chercher votre frère ?» Pas de réponse. Je ne sais comment cela se fait, mais en pareil cas, le silence est ce qu'il y a de plus agréable. Chaque moment d'hésitation est un aveu tacite, chaque pause une confession charmante. Irons-nous tous deux, voulez-vous, ma bien-aimée ? Irons-nous comme mari et femme ? Et ramènerons-nous votre frère entre nous deux ? M. Harcourt Talboys parut un quart d'heure après. Il trouva Robert Audley tout seul et se vit forcé d'entendre une révélation qui le surprit beaucoup. Comme tous les gens suffisants, il voyait très peu ce qui se passait sous son nez, et il avait cru bénévolement que c'était sa société et la régularité qui régnait chez lui qui avait charmé son convive et l'avait retenu dans le Dorsetshire. Il fut donc un peu désappointé, mais il ne le laissa pas trop voir et se montra passablement content de la tournure qu'avaient prise les affaires. « Il n'y a plus qu'un point pour lequel j'ai besoin de votre consentement, mon cher monsieur, » dit Robert lorsque tout fut réglé. « Nous passerons notre lune de miel en Australie, si vous le permettez. » M. Talbot fut pris à l'improviste. Il essuya quelque chose comme une larme qui parut dans ses yeux gris et tendit la main à Robert. « Vous allez à la recherche de mon fils, » dit-il. « Ramenez-le, et je vous pardonnerai volontiers de m'avoir enlevé ma fille. » Robert Audley partit pour Londres, pour abandonner son appartement dans Fig Tree Court et s'informer des navires qui étaient en partance de Liverpool pour Sydney dans le mois de juin. Ce n'était plus le même homme. Le présent, l'avenir, tout était changé pour lui. Le monde lui apparaissait couleur de rose et radieux, et il se demandait comment il avait pu le trouver si triste et d'une teinte si neutre autrefois. Il était resté à Grange Heath jusqu'après le luncheon, et quand il rentra chez lui, il faisait déjà sombre. Il trouva Mrs. Malone qui frottait l'escalier, suivant son habitude de chaque samedi soir, et il lui fallut traverser une atmosphère saturée de vapeur au savon qui rendait la rampe graisseuse sous sa main. « Vous avez là-haut une masse de lettres, » dit la blanchisseuse en se relevant et s'adossant contre le mur pour laisser passer Robert. « Il y a aussi des paquets. Il y a un monsieur qui est venu plusieurs fois et vous a attendu ce soir, parce que je lui ai dit que vous m'aviez écrit de donner de l'air à votre chambre. « Très bien, Mrs. Malone. » Vous me servirez à dîner aussitôt que vous voudrez. N'oubliez pas la pinte de sherry et veillez à mes bagages. » Il monta tranquillement chez lui pour voir quel était son visiteur. Ce ne devait pas être un personnage important, un créancier peut-être, car il l'avait tout laissé en désarroi en se rendant à l'invitation de M. Talboys. Et depuis lors, il s'était trouvé si bien dans la planète de l'amour qu'il avait oublié toutes les affaires terrestres et les notes des tailleurs. Il ouvrit la porte de son salon et entra. Les canaris chantaient leurs adieux au soleil couchant, et les derniers reflets du jour se jouaient parmi les feuilles des géraniums. Le visiteur, quel qu'il fût, était assis le dos tourné contre la fenêtre et la tête penchée sur la poitrine, mais il se leva en entendant Robert entrer, et le jeune homme poussa un cri de joie et de surprise en tombant dans les bras de George Talboys, son ami perdu. Mrs. Maloney commanda un dîner plus copieux à la taverne qu'elle honorait de sa pratique, et les deux amis veillèrent une partie de la nuit au coin de ce feu qui avait été si longtemps solitaire. Nous savons tout ce que Robert avait à dire. Il toucha légèrement à ce qui pouvait chagriner son ami. Il parla très peu de la misérable femme qui terminait sa vie dans un faubourg retiré de la ville belge. George Talboys parla brièvement de cette radieuse journée de septembre où il avait laissé son ami endormi au bord de l'eau, pendant qu'il allait reprocher à sa femme l'infâme complot qui lui avait brisé le cœur. Dieu m'est témoin que du moment où je tombais dans le puits, connaissant la main perfide qui m'avait poussé là où je pouvais mourir, ma première pensée fut celle de sauver la femme qui m'avait trahi et avait voulu me tuer. Je me retrouvais sur mes pieds au milieu de la vase, mais mon épaule était meurtrie et mon bras droit s'était cassé en donnant contre un des côtés du puits. Je fus pétrifié pendant quelques minutes, mais mon courage me revint, car je comprenais que je respirais la mort au fond de ce trou noir. J'avais fait en Australie un apprentissage qui pouvait m'être utile. Je grimpais comme un chat. Les pierres du puits étaient inégales et rugueuses, et je pouvais remonter en posant mes pieds dans les interstices, m'appuyant du dos contre la paroi opposée et m'aidant de mes mains malgré ma fracture. Ce ne fut pas chose facile, Robert, et je me demande pourquoi l'homme qui s'était tant de fois déclaré ennuyé de la vie a pris tant de peine pour la conserver. Il me fallut plus d'une demi-heure pour arriver en haut du puits, et cette demi-heure fut pour moi une éternité de souffrance et de péril. Il m'était impossible de sortir du jardin avant la nuit, et je m'étendis sous des buissons et des lauriers pour attendre qu'il fît noir. L'homme qui me trouva vous a dit le reste, Robert. Oui, mon pauvre ami, oui, il m'a tout dit. George n'était jamais retourné en Australie. Il avait effectivement pris place à bord du Victoria Regia, mais il avait changé de destination en route et avait été transbordé sur un autre navire de la même compagnie qui faisait voile pour New York, où il était resté tant que l'exil lui avait été supportable et que la solitude ne lui avait pas fait regretter ses amis. Jonathan m'a très bien reçu, Robert. J'avais assez d'argent pour satisfaire à mes désirs très modérés. Et quand le sac aurait été vide, j'avais l'intention de repartir pour les placers de l'Australie. Les amis ne m'auraient pas manqué si j'avais voulu. Mais quelle sympathie pouvait trouver mon cœur blessé chez des gens qui ne connaissaient pas mon mal. J'ai soupiré après une de vos poignées de main, Robert, et je me suis souvenu que c'était vous qui m'aviez aidé à supporter la plus terrible épreuve de ma vie. »